Paris, siège du SDEC, bureau de Mathieu Fouché. 29 juillet 1981, 8h30. Monsieur le directeur ? Oui ? J'ai Hector Créange pour vous. Je transfère l'appel. Demandez à ce que l'appel soit localisé, vite. Et dites à Morel de venir dans mon bureau. Passez-moi Créange. Bien, monsieur. Allô ? Monsieur le directeur, bonjour. Hector Créange à l'appareil. Je tenais à vous faire mon rapport en personne. Après tout, je suis de la maison. Vous appelez pour négocier votre reddition ? Non, pour vous proposer un marché. C'est lui, Morel. Prenez-le sur votre poste. Vous avez trahi Créange. Je n'ai rien contre vous, Fouché. Vous n'êtes qu'un exécutant. Mais ce que je vous propose, c'est que vous preniez votre poste en main en faisant ce que vous n'avez jamais fait. Un choix. Je ne négocie rien. Je vous donne Orlov contre l'abandon des poursuites. Le protocole Colbert me rend la vie extrêmement pénible. Ça fait 2 mois qu'on vous court après. Vous êtes en train de signer votre arrêt de mort avec vos agissements irresponsables. Vraiment ? Et que connaissez-vous de mes agissements ? Ce que je vous propose peut changer votre carrière, Fouché. Orlov, c'est du très gros. Vous êtes visiblement prêt à trahir tout ce en quoi vous croyez, mais le SDEC que vous avez connu va mourir. Il est comme vous, un fossile honteux qui ne comprend plus rien aux enjeux de notre monde. Quelle prétention ! Vous êtes le parfait représentant de votre génération. Social-démocrate myope dans un monde en nuances de gris. J'ai fait des choix toute ma vie. J'ai tué, dupé, trahi, manipulé. Mais j'ai agi en mon âme et conscience, sans jamais nuire à l'intérêt supérieur de la France. J'ai pour notre métier un respect presque charnel. Je conchis les technocrates de votre espèce. Vous êtes un misérable petit tas de décisions non prises, Fouché. Vous êtes un faible. Je laisserai votre fille en juger. Ni vous, ni les Amerlock n'avez la moindre idée de l'endroit où elle se trouve. Ni de ce dont elle est capable. 10h45. Entrez. Monsieur le directeur, faut allumer la télé. Qu'est-ce qui se passe ? Vous allez voir. Là, au 9e rond avec le haut de forme. Créange. La cathédrale Saint-Paul en plein mariage princier. Le seul endroit au monde où on peut rien faire, et il le sait. Pourquoi s'exposer ainsi ? Il n'est assis qu'à une 30aine de mètres du président Mitterrand. J'imagine qu'il va rencontrer un contact ou une aide potentielle. Il était obligé de s'y rendre et savait qu'il allait être reconnu. C'est pour ça qu'il a essayé de négocier ce matin. Bon, on attend la fin de la cérémonie et on le cueille. Le MI5 a des agents partout aux abords de la cathédrale. Ils peuvent nous aider à le coincer. Ils en ont rien à foutre. Le jour du mariage de leur prince, Créange, c'est le dernier de leurs soucis. Je fais envoyer tous nos agents de Londres à la sortie du mariage. Ça va être un beau bordel dehors, mais ils arriveront peut-être à l'intercepter. Il faut opérer dans la plus grande discrétion, Morel. On peut pas se permettre de venir gâcher la fête des Anglais. Très bien. On passe en salle de crise. Londres, cathédrale Saint-Paul, 11h15. Il faut faire très vite, je dois partir dans moins d'une minute. Vous confirmez l'opération ? Oui. Écoutez-moi attentivement. Je déposerai la marchandise dans un coffre au siège de la banque UBS à Lausanne. Vous passerez ensuite un ordre de virement au profit d'un compte numéroté au sein du même établissement. Tenez, voilà la série de chiffres. Vous êtes toujours d'accord sur la somme que nous avons négociée ? Oui. Bien. Une fois l'argent sur le compte, le directeur vous remettra la clé du coffre. C'est seulement à ce moment-là que je pourrai toucher l'argent. La sécurité de la transaction est garantie par la banque. Et si la marchandise est défectueuse ? Vous ai-je déjà déçu ? Je suis suivi, je dois filer. Siège du SDEC, salle de crise, 11h30. Je prends, je mets sur haut-parleur. Allô ? Il est improbable. Il a profité de la sortie de la cérémonie pour disparaître. Bien, gardez les hommes sur place et précipitez le reste entre l'aéroport et les gares de Londres. Reçu. Morel, il va quitter Londres. C'est maintenant qu'il faut le coincer. Bien, monsieur. Positionnez des hommes à toutes les portes d'embarquement et tous les terminaux. Ils sont pas selon moi ? Faites au mieux, je veux une liste de tous les passagers au départ de Londres ce matin. Allez, on le tient presque. Antoine, récupérez tous les profils similaires ayant pris l'avion dans la matinée. Croisez les manifestes de vol avec les fausses identités des agents du SDEC. Ils utilisent sûrement un de nos faux passeports. Gare d'Aïa, hôtel des Dunes, 14h30. J'ai passé un excellent déjeuner. Un de plus. Vous voyez que vous avez bien fait d'accepter ma compagnie. Dans mon métier, on n'aime pas les rencontres impromptues. Les ressources gazières algériennes sont très convoitées, alors on se méfie. Mais je deviens dingue à force de tourner en rond ici. Vous voulez un deuxième café ? Ah, avec plaisir. Rien ne me presse. Younes, deux autres cafés, s'il vous plaît. Tout de suite, mademoiselle. C'est quoi votre boulot ? Je sais même pas si j'en ai encore un. Rester au milieu de nulle part pour une durée indéterminée, ça ne doit effectivement pas vous aider à le garder. Et un café, et deux cafés. Saha, Younes. Et vous ? Toujours sans nouvelles de votre collègue ? Toujours. J'ai instruction d'attendre. Comme vous, en quelque sorte. Votre histoire d'héritage, c'est si important ? Vous sortez pas beaucoup de l'hôtel. Pourquoi restez-vous ici ? Ça me fait du bien d'être là. C'est seulement un prétexte ? Le désert m'apaise. J'en profite pour faire le point sur ma vie et sur certains choix. J'écris un peu, même si c'est mauvais. Et je lis aussi. Ibrahim a une bibliothèque merveilleuse. Vous devriez y jeter un œil. Il vous prêtera volontiers ses livres. Vous avez lu Kateb Yassine ? Nejma ? Non, je n'ai pas la tête à lire en ce moment. Oh, il faut que vous fassiez l'effort de lire Nejma. Il y a des pages incroyables. On entend l'Algérie bouillir. Vous allez aimer l'héroïne. On peut pas faire autrement. Je vais le lire. Vous êtes si enthousiaste. Puis ça a l'air beaucoup mieux que ce roman qui traîne dans ma chambre. L'Atlantide de Pierre Benoît. Il m'est tombé des mains. L'histoire d'une reine mystérieuse recluse dans un royaume imaginaire en plein milieu du Sahara algérien. Vous connaissez ? Oui. Ce genre de livre représente tout ce contre quoi je me bats. L'exotisme de pacotille. Le fantasme du colon sur les mystères d'une terre qu'il invente, alors que la vraie terre, celle des hommes qui l'a servi, existe réellement. Qu'est-ce que vous faites ici ? Quand je vous ai dit que je suis venu à Gare d'Aïa pour une histoire d'héritage, je vous ai pas menti. Je suis sur les traces de mon passé. Aéroport de Berlin, terminal A, 14h45. Je voudrais échanger ces livres sterling contre des Deutschmark, bitte. Bien, monsieur. 100, 200, 300, 600 livres sterling. Genau. Cela fait un total de 2806 Deutschmark. C'est parfait. Bitte schön. Vielen Dank. Hein? Auf Wiedersehen. Tschüss. Bonjour, Hector. J'ai reçu votre carte ce matin. Vous savez ce que cela signifie ? Je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Rien ne vous oblige à aller jusqu'au bout. Vous ne me ferez pas changer d'avis. Il est trop tard maintenant. Je ne peux plus renoncer. Je le sais, je vous connais trop bien. Alors, il ne nous reste plus qu'à nous dire au revoir. Puisque nous en sommes aux adieux, je tiens à vous témoigner toute mon admiration. Vous êtes brillante et coriace. Au revoir, cher ami. Siège du SDEC, salle de crise. 14h50. On l'a retrouvé. Il est à Berlin. Comment ça ? On a un homme voyageant seul au nom de Mathurin Régnier. C'est un faux passeport de chez nous. Il est embarqué sur le long de Berlin de 12h52. Verrouillez le terminal, il ne doit pas quitter l'aéroport. Son avion a atterri à 20 minutes. Merde ! Monsieur le directeur, Mathurin Régnier vient d'embarquer à Berlin à bord du AF-432 pour Paris, en première classe. C'est Créange. Arrivé à Roissy, prévu dans 1h35. Cette fois, on le tient. De la porte, vous partez à Charles de Gaulle avec tout ce qu'on a de flics. Je veux qu'on l'intercepte à l'atterrissage. Bien compris. Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Pourquoi revenir à Paris ? Il se croit plus malin que nous. Il a totalement perdu les pédales. Et son excès de confiance va lui être fatal. Vol Berlin-Genève, 15h30. Vous avez sonné, monsieur ? Oui, j'ai oublié mon briquet dans mon bagage, auriez-vous lu ? Bien sûr. Voilà. Je vous laisse la boîte d'allumettes. Merci. Vous avez besoin d'autre chose ? Une eau pétillante bien fraîche, s'il vous plaît. Bien sûr, tout de suite, monsieur. Merci. 16h40. Fouché, j'écoute. Merde! On a bien un Mathurin Régnier, mais c'est un étudiant allemand. Qu'est-ce que c'est que ce merdier de la porte? On a retrouvé 2800 Deutschmark en liquide sur lui. Créange l'a payé pour qu'il prenne le vol à sa place. Putain, il nous a bien eu. Il est doué, c'est certain. Allez, allez, messieurs, on se relâche pas, on va finir par la voir. Genève, banque UBS, 17h40. Et voilà, monsieur. Je vous attends à l'entrée de la salle des coffres. Merci, j'en ai pour un instant. Merci, j'ai terminé. Très bien, monsieur. Je vous raccompagne, s'il vous plaît. Siège du SDEC, 18h20. Monsieur le directeur. Annoncez-moi une bonne nouvelle, Morel. Un de nos contacts de la police des transports suisses vient de nous téléphoner. Il est à la gare de Genève. Il vient de monter dans le train express pour Lausanne. Le vent tourne. Il y a combien de temps ? Moins de 10 minutes. C'est sans doute notre dernière chance avant qu'il ne passe à l'est. Martino, qu'est-ce qu'on a sur place ? Un agent civil de la police ferroviaire suisse est à bord du train. Quelles sont les instructions ? Il ne doit rien faire. Il reste à bonne distance. Nous allons intercepter Créange à sa descente. On touche au but. Morel, dites à Luciol de l'attendre à Lausanne. Déjà fait, monsieur. Luciol est en moto sur les voies rapides. Il sera à la gare de Lausanne 10 minutes avant l'arrivée du train. Parfait. Train Genève-Lausanne, 18h35. Bonjour, monsieur. Un chocolat chaud, s'il vous plaît. Vous prenez une table ou bien je vous sers au comptoir ? Non, non, ça ira au comptoir, merci. Très bien, monsieur. Ah, le chocolat chaud qu'on sert sur vos lignes, c'est vraiment quelque chose. Vous ne prenez rien, monsieur ? Non, j'ai pas soif. Il me semble que nous partageons le même compartiment. Hein ? J'avais besoin de me dégourdir les jambes. Vous dégourdir les jambes ? Bah, faut-il que vous ayez une mauvaise circulation ? Vous êtes monté comme moi à bord de ce train en gare de Genève, il y a moins d'un quart d'heure. Monsieur, j'aimerais voir vos papiers. Police suisse. Faites pas le malin. Dans la poche de mon imperméable, il y a un revolver. Il est braqué sur vous. Vous allez me suivre gentiment et tout se passera bien. N'est-ce pas ? Allez, avance. Morel, j'écoute. Appel quitté, monsieur le directeur. Je prends. Merci. Couché.